Peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la librairie Caribde pour cette soirée jeu de rôle, littérature et créativité. C'est la quatrième soirée jeu de rôle et autre chose à Caribde. On est très content d'arriver à maintenir un chouette rythme parce qu'on a commencé en juin et on a déjà fait quatre et on est fiers. Je suis super contente d'avoir réussi à réunir quand même pas mal de beau monde ce soir à Caribde. Je tiens à remercier l'homme de la situation, Julien Delorme, notre Caribde 9, qui a réussi à générer cette espèce de concentration entre un lieu génial, la librairie Caribde, un podcast extraordinaire, Les Voix d'Altarid, une interview croisée avec des invités de rêve, Manuel Bédoué qui a écrit Sur les frontières, voilà, ici, et Summer Camp, premier bivouac, ici aussi, n'hésitez pas, jetez-vous-y à la fin. Et dont on va parler longuement après, donc je développe peut-être pas encore trop, je vais vous laisser découvrir. David Molmans, qui est à la fois éditeur aux Forges de Vulcain, les Forges de Vulcain, c'est lui, et c'est notamment l'homme qui a édité en français Henri Darger, dont je vous parle très très vite de l'histoire de ma vie ici. La traductrice est quelque part dans la salle. Et on la remercie aussi. Henri Darger, c'est juste une histoire incroyable d'un mec dont on ne comprendra jamais comment il fonctionnait, qui a passé sa vie en hôpital. Est-ce qu'on appelle ça des hôpitaux psychiatriques ou de l'enfer ? Il travaillait à l'hôpital, mais il s'est fait beaucoup enfermer quand il était jeune. Il a une façon de concevoir la vie qui est complètement étrange et qu'on découvre là puisque c'est son autobiographie. Donc une attention très particulière à la météo, des comportements dangereux à l'école, enfin voilà. Et c'est un artiste outsider incroyable dont on découvrira l'œuvre à sa mort en fait. Et il a fait des fresques monstrueuses, il a fait une œuvre de 15 000 pages sans jamais se revendiquer être un artiste. Et c'est quelque chose dont peut-être on parlera plus tard dans le cadre de la créativité. Ce livre, je vous invite vraiment à le feuilleter. Il y a des reproductions des tableaux qu'il a fait. Il y a son style à lui qui est assez incroyable. Enfin bref, voilà, à lire. David Molmans, c'est aussi l'homme de Draft Quest. Et là, je vous laisserai en parler parce que ça va être peut-être plus le sujet de ce podcast. Et j'ai peut-être beaucoup parlé, donc je vais vous laisser reprendre. Bonsoir. Alors c'est très étrange parce qu'on vous parle dans un micro, mais il n'y a pas de son qui sort. C'est une situation un peu étrange, mais grâce aux voix d'Altarid, on est en live ce soir sur Internet. Absolument, on a commencé la diffusion. Super. Nous avons actuellement un spectateur. Bonjour à lui. Mais nous avons beaucoup plus de spectateurs en vrai que nous n'allons pas vous montrer, mais vous avez pu les entendre. Voilà, l'idée. Alors l'événement de là, on a fait un petit programme événementiel qui se déroulera aujourd'hui et demain. Aujourd'hui à la librairie Caribde, demain à la bibliothèque Louise Michel. Ça s'appelle Paris sur les frontières. Et l'idée, c'était de proposer des rencontres qui allient deux choses qu'on aime bien à la librairie Caribde, la littérature et le jeu de rôle, et trouver des moyens de parler aux rôlistes de littérature, mais encore plus difficile de parler de jeu de rôle au littéraire. C'est assez compliqué de mêler les deux publics, l'air de rien, d'où l'idée d'un sujet qui intéresserait tout le monde, et puis de trouver des interlocuteurs qui pourraient répondre de manière croisée à une question. Alors le thème de ce soir, c'était entre autres la créativité et comment on est des petits vicieux. J'avais envie de vous demander, puisque ce thème, Manuel et David, vous a inspiré, qu'est-ce que vous entendez dans créativité ? Ok, merci. D'ailleurs, en fait, Manuel a fait signe vers moi, mais ça ne voulait pas dire que je devais le faire. C'est côté. Non, ça, c'est en fait, c'est un truc très jeu de rôle. C'est-à-dire, on fait une proposition à quelqu'un, on n'a pas le droit de dire non. Il faut dire oui et oui, mais voilà. Il faut toujours relancer. Ça, en fait, c'est quelque chose d'assez créatif, puisque une définition de la créativité, c'est de dire que c'est de trouver dans un. Il y a plusieurs paramètres, on gère plusieurs paramètres. On est dans une situation, on trouve une solution originale pour résoudre cette situation qui n'est pas nécessairement la répétition d'une solution déjà connue. Je sens que j'ai bien cassé la soirée en commençant avec une définition hyper alambiquée. Alors David, je voudrais juste revenir sur ton activité DraftQuest dont Anaïs a juste parlé quelques secondes. DraftQuest, ce sont des ateliers d'écriture qui sont d'abord des ateliers d'écriture en ligne, qui passent par une application, mais aussi par un MOOC, donc un cours en ligne, et aussi par des ateliers d'écriture IRL avec de vrais gens dans un vrai lieu. Alors ce qui m'intéressait, qui a motivé ton invitation ce soir, c'est le fait que déjà tu es rôliste, ou tu as été rôliste, et tu reprends le jeu de rôle ces dernières années, mais que je t'ai vu régulièrement, pour avoir travaillé avec toi, aller en atelier d'écriture avec ton livre de Vampire la Mascarade sous le bras. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ? Non, alors, en fait, ce retour vers les jeux de rôle s'est fait par l'écriture, vraiment par le besoin d'accompagner. En fait, l'idée de DraftQuest, c'est d'accompagner des gens qui ont envie d'écrire vers l'écriture de leur première fiction. C'est plutôt de la fiction et pas trop de non-fiction. Et c'est surtout le croisement de deux de mes activités. C'est que j'ai fait une thèse de philosophie de la psychologie sur l'angoisse de la page blanche. Donc voilà, j'ai trouvé plein d'idées pour comment on va pouvoir aider les gens parce que j'ai passé 7 ans dessus. Et après, je suis éditeur, donc en éditeur, je pense qu'on doit quand même s'intéresser à la façon dont les gens écrivent. Et dans les ateliers DraftQuest, quelque chose qui revenait très très souvent, c'était « Ah, j'ai du mal à concevoir mes personnages, écrire mes personnages », et voilà. Et en fait, je me suis souvenu qu'il y a 20 ans, j'étais un très gros joueur de Vampire, et que Vampire, c'était un jeu qui, dans l'interprétation des personnages, avait beaucoup codifié ça et avait donné des contraintes. Et je crois beaucoup à la création sous contrainte, c'est-à-dire pas contrainte psychologique, donc le but c'est pas de se fouetter pour avancer, mais c'est la contrainte formelle. Oui, il faut toujours préciser, contrainte formelle, c'est-à-dire voilà. Et dans Vampire, pour ceux qui connaissent pas, pour interpréter les personnages, on crée des personnages qui ont à la fois une attitude, ce qui est visible et explicite, et une nature, ce qui est implicite. Et en fait, pour faire un pont tout de suite avec l'écriture, quand en tant qu'éditeur je lis un manuscrit et qu'il y a une scène, on se rend compte très souvent que beaucoup de gens leurs personnages disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. Or, dans le monde réel, ce n'est jamais comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, c'est que généralement, il y a toujours un décalage entre les deux parce que c'est rare qu'on coïncide avec qui on est. Et en fait, dans ce mécanisme de jeu chez Vampire, l'écart entre l'attitude et la nature, on a la base de comment, dans l'écriture dramatique, on peut créer de l'épaisseur de la fiction, le moment de l'illusion comique, le moment où on crée de la fiction. Et donc, j'ai trouvé ça, et puis petit à petit, après ce truc-là, je suis allé chercher dans d'autres jeux que je connaissais, puis grâce à toi, Julien, j'ai commencé à découvrir d'autres jeux, et donc je récupère beaucoup de mécanismes de jeu, mais surtout parce que les mécanismes de jeu ont ce très grand avantage de lever l'anxiété qu'il y a dans l'écriture. Je peux continuer 3 heures complètes, mais je pense que c'est pas le but de la soirée. Par rapport à la créativité, je vais repartir sur une question peut-être plus resserrée, Manuel, pour revenir un peu sur le jeu de rôle. J'ai trouvé il y a quelques jours sur un forum rôlistique dont je tairai le nom, une petite définition disant que en gros il y avait deux attentes pour les joueurs pour pratiquer le jeu de rôle, c'était de se faire raconter une histoire ou de venir raconter une histoire de manière collective. Et j'avais l'impression que tes jeux se plaçaient plus dans cette deuxième catégorie. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? C'est effectivement ce que tu souhaites faire avec Sur les frontières et Summer Camp ? Bah oui, avec mes jeux en règle générale. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire raconter une histoire, j'ai déjà plein de médias pour ça, qu'ils font très bien. On a la littérature, le cinéma et pas mal d'autres. L'avantage du jeu de rôle, c'est qu'on me demande mon avis. Et qu'à partir du moment où on me demande mon avis, j'ai pas trop envie de rester sur le bord à dire bah non, j'ai pas trop d'avis les gars, allez-y, continuez sans moi. J'ai envie de donner mon avis et j'ai envie de produire des jeux pour des gens qui ont envie de donner leur avis aussi, qui ont envie de participer à l'histoire. Enfin, moi, il y a pas longtemps, Dorian Chandelier, qui est un garçon qui fait des vidéos autour du jeu vidéo, qui s'appelle en l'occurrence Merci Dorian, comme ça il y a plein de redites, Dorian Chandelier a dit, en parlant de jeux de rôle, parce qu'exceptionnellement il parle un peu de jeux de rôle, il a dit c'est très rigolo, les gens qui font des jeux de rôle, ils se définissent comme auteur et pas comme game designer. Ça m'a fait pas mal réfléchir, et définitivement je suis un game designer, je suis pas un auteur. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de mettre en place des mécaniques, des contraintes, qui vont pousser les gens à raconter des histoires et à remplir les blancs entre ces contraintes. David l'a dit de façon plus élaborée que moi, mais pour moi, la créativité, c'est ça. C'est une capacité à remplir les blancs entre les contraintes. Et le travail d'un game designer, c'est de donner des contraintes intelligentes qui vont produire des remplissages de blancs significatifs. Voilà. Formidable. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur DraftQuest et sur l'aspect MOOC, parce qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est ? Alors évidemment, moi, enseignant, hein, les gens qui nous écoutent le savent, ça m'interpelle forcément. Oui, surtout que pour beaucoup d'enseignants, le MOOC, c'est le grand Satan. Pas du tout. Non. J'en conseille à mes étudiants, souvent. Non, il y a des très très bons MOOC. Alors... DraftQuest fait partie des très très bons MOOC. Évidemment. Parce que, je précise quand même, alors attention, pour ne pas donner trop envie aux gens, que DraftQuest a un budget qui est environ de 1% du budget d'un MOOC habituel. Donc voilà, c'est pas 1% en moins, mais vraiment, vous coupez par 100 et vous êtes sur DraftQuest. Donc le MOOC DraftQuest, il faut préciser quand même que, après ce petit moment où on diminue la valeur du MOOC, c'est un MOOC qui fonctionne bien parce qu'il a déjà eu 4 saisons. Donc en fait, un MOOC, c'est un cours en ligne, mais qui est limité dans le temps, généralement, de manière à forcer l'engagement, c'est-à-dire forcer les gens à venir. Parce qu'un des défauts des ressources qui sont en ligne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet bibliothèque. L'effet bibliothèque, c'est qu'on stocke en ligne et on se dit « c'est là ». C'est tout comme on peut pirater massivement des livres, mais un livre, c'est important qu'on le lise. Ça sert à rien d'avoir 10 gigas de livres quelque part, quoi. Donc un MOOC, c'est un rendez-vous qui est donné à des gens. C'est souvent des vidéos qui ne sont pas des vidéos de cours, au sens où il faut qu'elles soient pensées pour être diffusées en ligne. À partir du moment qu'en ligne, les gens ils aiment bien les vidéos qui font entre 1 et 3 minutes. Donc, dans un bon MOOC, généralement, il n'y a pas un plan fixe d'un amphithéâtre pendant 1h50. On est mal parti, là, ce soir. Ouais. Là, oui, là, c'est... Ouais, mais là, il y a 4 personnes, c'est différent. Il n'y a pas un plan sur un homme blanc de 55 ans, quoi. Pourquoi j'ai dit ça ? Je sens que dans 20 ans, on ressortira cette vidéo. Toi, tu vas le payer le restant de tes jours. Hein. Oui. Et l'habitude. Bon, donc pendant un temps limité, il y a des vidéos. Les vidéos sont pensées pour être sur Internet. Il y a des exercices. Et surtout, on profite du fait que c'est un exercice de masse. L'intérêt de de mettre un cours en ligne, c'est deux choses. C'est qu'on automatise certaines choses. C'est comme toute nouvelle technologie, le but d'une nouvelle technologie, c'est d'automatiser les choses de manière à ce que les gens puissent exercer leur talent là où ils ont une valeur ajoutée. Donc par exemple, la correction de copie est quelque chose, puisque tu voilà, qui généralement on n'a pas toujours une très grande valeur ajoutée. Et il y a d'autres manières, par exemple, de faire de la correction croisée quand on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes, et des dispositifs de game design et de collaboration qui permettent de faire de la correction de manière assez efficace. Donc oui, il y a ce côté automatisé et il y a le côté massifié. Et ça, c'est si un cours est, tourne, fonctionne, on sait qu'il peut fonctionner devant plusieurs milliers de personnes. Sachant qu'en fait, on massifie à distance, c'est-à-dire les gens sont chez eux, sont dans un environnement assez cool généralement, à moins que vous aimiez regarder des vidéos dans un environnement extrêmement inconfortable chez vous, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, et donc c'est un MOOC avec une particularité, c'est qu'il y a très peu de connaissances théoriques que je transmets. C'est-à-dire que sur l'écriture, il n'y a pas énormément de connaissances théoriques à avoir. Ce que je fais parfois, c'est que je fais une synthèse de certains bouquins de creative writing américains qui s'adressent plutôt à des scénaristes, pas nécessairement à des romanciers, mais je fais une petite synthèse dessus, pas trop agressive, mais c'est vrai que souvent les écrivains en herbe français, c'est pas dans leur culture d'aller lire ce type de livre. Il y a une partie de ces livres qui ne sont pas traduits et pourtant qui sont très bien pensés parce que il y a 70 ans d'expérience dans ce type d'écriture et de théorisation de cette écriture. Donc il n'y a pas beaucoup de contenu théorique, mais il y a beaucoup d'exercices et surtout il y a beaucoup d'interactions entre les gens. Les interactions, c'est très important parce que c'est vrai que dans la créativité, on a toujours l'impression, et particulièrement dans la création littéraire, qu'on doit être dans un environnement solitaire, alors qu'en fait, l'écriture peut avoir quelque chose de collaboratif, au moins de deux manières. Le MOOC, par exemple, il est collaboratif au sens où les gens écrivent chacun leur roman dans leur coin. S'ils veulent partager des choses, ils peuvent les partager. Mais en fait, ce qui est surtout important pour eux, c'est que comme eux, ils continuent à avancer dans leur roman, qu'ils savent que les autres avancent, ils ne décrochent pas. Et c'est le truc le plus fondamental, c'est qu'avant de se poser des questions très compliquées de scénarisation ou des choses comme ça, il faut d'abord que les gens soient capables d'écrire au quotidien. C'est Amir, finalement, le seul bon conseil pour apprendre à écrire, c'est écrivez au quotidien. Au bout d'un moment, vous saurez écrire. Je peux continuer longuement, non, mais... C'est bien, tu as bien répondu. Julien, est-ce que tu veux reprendre la main ? Oui, en fait, quand Anaïs a ouvert la soirée, elle a parlé de Henry Darger, qui est un créateur extrêmement solitaire. Et quand on entend parler de créativité, quel que soit ce qu'on met sous la notion, on parle généralement d'une activité solitaire. Or, ce que propose DraftQuest, d'une certaine manière, c'est une création collective, même si chacun est sur son roman. Et ce que proposent les jeux de Manuel, comme on en a parlé, c'est de raconter une histoire ensemble, donc de faire acte de création de manière collective. Je voulais savoir ce que vous inspirait cette réflexion, en fait. C'est le bordel de créer de façon collective. C'est galère. Sans déconner. Déjà, tout seul, on essaye de se débrouiller avec ses idées et c'est pas forcément simple. Si on s'y met à plusieurs, on va avoir des idées contradictoires, on va pas avoir les mêmes envies. Et forcément, c'est vraiment, vraiment compliqué. Moi, je me souviens de mes premiers playtests sur les frontières. Et je me suis confronté à des trucs terribles avec des playtesteurs qui me disaient, parce que aussi je les avais probablement pas bien cadrés, hein, mais qui me disaient, il y en a un qui me disait, ton machin ça se vendra jamais, il faudrait faire un truc comme ça pour que ça se vende. L'autre qui me disait, oui tu pourrais faire comme ça. Et en fait il me parlait du jeu qu'il avait envie que je fasse, enfin qu'il avait envie de jouer lui, mais qui n'était pas le jeu que moi j'avais envie de faire. Et on se rend compte là que, c'est surtout pas leur faute, hein, nécessairement, quand on s'y met à plusieurs, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes envies. Et ça rend les choses hyper compliquées. Il faut réussir à être capable de garder son cap tout en prenant en compte les avis des autres et les retours des autres. C'est vraiment un truc pas simple parce que des fois, on ne sait pas si on est légitime en disant « moi j'ai cette envie-là, mais est-ce que finalement c'est la bonne chose ?» ou il y a des gens qui ont des meilleures idées que nous, voilà, les salauds, et du coup on se dit « mais j'ai très envie d'intégrer cette idée, mais en même temps ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire à la base, donc qu'est-ce que j'en fais ?» c'est compliqué de produire à plusieurs. Alors pour le coup, maintenant que j'ai produit des jeux, ou j'essaye en tout cas de donner des outils aux gens pour concevoir des histoires à plusieurs, j'essaye de justement de faire que ces outils-là, ils les aident à être à peu près sur un même terrain d'entente et qu'ils puissent aller à peu près dans le même sens sans que j'ai besoin de leur dire les gars, voilà, c'est ça les cadres. Enfin, je leur dis dans les bouquins, mais que j'ai pas besoin en plus d'être présent sur place pour leur dire les gars, c'est ça les cadres, essayez de pas trop déborder, ou qu'il y ait un meneur de jeu qui soit obligé tout le temps de rattraper ce que moi j'ai pas donné comme outil. Et ça, c'est mon travail de game designer, que de donner justement un cadre qui ouvre cette créativité, les contraintes qui donnent les blancs à remplir, et d'avoir bien les contraintes, ça sert de borne, ça sert de frontière, quoi, pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir placer la créativité et comment est-ce qu'on va pouvoir être sur une créativité commune. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup là-dedans, c'est que en fait il y a deux lignes de discussion. Une discussion qui est la collaboration des créateurs classiques qui vont vers une œuvre, et la collaboration des joueurs qui ne vont pas vers une œuvre. Parce que en fait, il y a des processus de création collective qui fonctionnent très bien, et en fait, ils sont sous nos yeux, mais la plupart des gens ne le voient pas. C'est que si vous demandez à quelqu'un combien d'heures chaque semaine il a donné à la fiction, beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils passent beaucoup d'heures à regarder des séries télé, et la plupart des séries télé sont issues de processus de création collaborative qui sont très structurés, en fait. Et en fait, quand on lit sur comment on écrit collaborativement une série télé, on se rend compte que, alors c'est très structuré, il y a souvent un directeur d'écriture, il y a une bible qui est quelque chose, qui est un cadre, voilà, et chacun a une mission. On reviendra peut-être sur le fait que c'est collaboratif, mais on est à des postes différents, on remplit des fonctions différentes. Mais en fait, tout le monde, que ce soit pour écrire une fiction télévisée ou pour écrire un roman, on est concentré sur, on est en train de créer une œuvre, et donc notre ego peut disparaître face à l'œuvre. Ce qui peut être plus difficile peut-être dans un jeu, et là c'est vraiment une hypothèse parce que c'est mon expérience de béotien de rôliste, c'est l'impression qu'en fait les gens sont pas là pour faire une œuvre, mais pour rechercher du plaisir. Ils peuvent avoir des notions de plaisir très différentes les uns des autres, donc ils peuvent vraiment faire bifurquer la chose, et c'est dur de dire aux gens, s'il y a un meneur, je sais que maintenant il y a des jeux sans meneur, voilà, de dire non, enfin voilà, rester cadré ou quelque chose comme ça, c'est puisque en fait on frustre le plaisir, tandis qu'en fait quand on est directeur d'écriture d'un travail collaboratif, on peut dire aux gens non mais votre plaisir on s'en fiche, c'est le plaisir du spectateur ou le plaisir du lecteur qui est décisif, donc on reste concret, on reste sur l'œuvre en fait. Je sais pas si tu est-ce que en fait toi t'es collaboratif sur ta création et collaboratif dans tes jeux, c'est ça? Ouais, non, mais je comprends bien ce que tu veux dire, parce que mon plus grand drame, et c'est une phrase qui est pourtant extrêmement légitime, hein, c'est quand quelqu'un me dit, quand on parle de théorie, de création de jeu, tout ça, qui me dit, non, mais au bout du bout, l'important, c'est que les gens s'amusent. Et je peux rien répondre à ça. C'est-à-dire que, au-delà du fait que ça m'énerve prodigieusement, c'est légitime. Il faut, on crée un jeu pour que les gens s'amusent. Le jeu est un objet de distraction. Et on ne peut pas y faire grand-chose, mais on essaye quand même... Enfin, je crois que quand on fait du jeu de rôle, on essaye de produire un récit cohérent, un récit qui a du sens, qui va satisfaire les gens et qu'au bout du bout de leur soirée, de leur après-midi de jeu, ils vont en ressortir en disant « j'ai passé un... c'est pas juste, j'ai passé un bon moment ». Et c'est « on a passé un bon moment ensemble ». Et c'est là où le game design a du sens, la création et l'encadrement de la création commune a du sens. C'est pas pour qu'il y ait un individu tel ou tel qui passe un bon moment parce qu'il s'est amusé tout seul dans son coin, c'est de donner un cadre qui permet aux gens de s'amuser ensemble et de prendre du plaisir ensemble. Et ça, on est comme ils vont être dans un acte de création, qu'ils l'admettent ou pas, à un moment, il faut les aider à être dans un acte de création plaisant, ce qui est complexe, hein, parce que l'acte de création, dans l'absolu, c'est pas naturellement la chose la plus plaisante du monde toujours. Ça peut l'être, et un travail de game design, c'est de favoriser les moments plaisants. Enfin, je crois, en tout cas, moi, ma réflexion, ça va plutôt vers ça. Ouais. Alors, ça va me permettre de rebondir, parce que tu parles de l'acte de game design comme de la possibilité de créer un moment plaisant. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve particulièrement présent dans tes jeux. C'est aussi le fait que les contraintes que tu donnes vont permettre d'émuler un certain genre de fiction, un genre particulier de fiction. C'est-à-dire que quand on prend certains jeux de rôle traditionnels, vampire, c'est pour jouer des histoires de vampires, mais ça peut aller de l'étreinte d'un jeune vampire à, beaucoup de gens connaissent ça, vampire les super-héros de la nuit, ou vampire nous sommes torturés, ou des histoires de manipulation politique, ça laisse un champ très large de possibilités. Quand on lit sur les frontières, ça n'est pas un jeu médiéval fantastique, c'est un jeu pour jouer la manière dont de jeunes gens vont se comporter par rapport à un certain nombre de notions, et notamment par rapport à l'héroïsme, en partant sur la frontière. Donc on est presque dans... Je ne vais pas dire qu'on est dans l'émulation d'un genre littéraire, mais on est dans l'émulation d'une forme littéraire, en tout cas. Il y a un copain à moi, je ne sais plus lequel, qui a dit assez justement, je trouve, la différence... Enfin, il y a deux types de jeux de rôle. Il y a des jeux de rôle qui proposent un univers, enfin, qui proposent d'explorer un univers, et puis il y a des jeux de rôle qui proposent d'explorer un genre. Et sur les frontières, parce que tu le cites, se situe à ce point dans la deuxième catégorie que le bouquin de base est dans un univers un peu antique, fantastique, mais que plusieurs retouches de règles très légères ou retouches d'univers sont sorties pour jouer avec les mêmes règles de jeu, les mêmes règles d'interaction entre les joueurs, mais pour jouer dans un contexte de western. Je sais qu'il y a quelque chose en route pour jouer des GI à Bagdad. Il y a une version pour jouer la garde de nuit dans l'univers de Game of Thrones, parce que c'est la même idée de, on envoie des jeunes bonhommes à l'autre bout du monde où ils ont toutes les chances du monde de crever et où ils espèrent qu'ils vont devenir des gens célèbres, reconnus et appréciés, et ça va être un chemin de croix, quoi. Et vraiment, de ce point de vue-là, ouais, on émule un genre, on émule une typologie d'histoire de façon très spécifique. Or, je suis pas le premier à le faire, hein, loin s'en faut. Il y a des jeux qui jouent un peu sur les deux. J'ai ramené plein d'exemples. Alors, faut que j'attrape mon sac. Hop là. Je vais vous faire une petite... incomplète, hein, mais une petite bibliographie de jeux intéressants sur le sujet. Voilà, dans plein de genres différents. J'ai du jeu de plus traditionnel au plus iconoclaste. On va commencer avec un jeu, alors historiquement je crois que c'est le plus ancien, un jeu qui s'appelle Final Frontier, qui était sorti chez John Doe, hop, je le montre comme ça, voilà, qui proposait d'explorer l'univers dans un pyjama. Et en l'occurrence, c'est pour jouer dans une ambiance à la Star Trek, Star Trek premier du nom, mais qui émule très bien deux choses. La première, c'est que c'est des aventures de space opéra à la Star Trek, mais en gardant en tête que c'est un peu comme si on tournait une série avec pas trop de moyens, notamment sur les effets spéciaux. Donc, les mecs, plutôt que d'avoir des combinaisons super développées, bah, ils ont des espèces de pyjamas de couleur. Les monstres en face, c'est des monstres un peu cheap. Et puis, il y a des petites règles pour gérer toute la partie soap. Les gens, ils ont des passions, des problématiques, ils sont amoureux de tel ou tel personnage, ce genre de choses, et ils vont le vivre dedans. Et on reproduit, ou on cherche à reproduire, en tout cas, des choses qui se rapprochent de Star Trek. De ce point de vue-là, je trouve que ça a été une occurrence assez intéressante sur le sujet. Je vais les faire circuler en même temps, comme ça, vous allez pouvoir les feuilleter. Voilà. S'il y a des feuilles qui tombent, c'est des papiers à moi, remettez-les dedans. Voilà. Le deuxième, alors toujours chez John Doe, parce qu'ils ont fait ils ont testé des choses, et puis les deux jeux sont d'Emmanuel Garbi qui je crois a vraiment testé des choses sur le sujet. Alors celui-ci est assez emblématique pour moi. C'est un jeu qui s'appelle Hollywood. Hop. Alors Hollywood en plus, à contrario de beaucoup de jeux de rôle qui, pour une raison qui, alors je vais faire une aparté en fait. Je me suis posé la question très récemment. Beaucoup de jeux de rôle travaillent le genre, en fait, consciemment ou pas, et se réfèrent beaucoup au cinéma. Sauf que le jeu de rôle, à la base, c'est quand même un truc littéraire et qu'on se réfère finalement très très peu à la littérature. On se réfère à un média d'image, alors même qu'on produit du texte. C'est un truc hyper bizarre pour moi. Et ça n'était pas bizarre jusqu'à ce que je me pose la question. Le jour où je me suis posé la question, j'étais incapable de trouver des réponses sur le sujet. En l'occurrence, Hollywood, ça propose d'émuler le genre noir, qui est plutôt un genre littéraire avant d'être un genre de cinéma, par des mécaniques de jeu. Il y a des systèmes pour avoir des flashbacks. La mécanique de jeu fait que, globalement, on joue pas des types qui vont réussir. On joue les types qui vont être le dernier à s'effondrer quand tous les autres se seront fait défoncer. On joue des mecs assez solitaires. Et puis, dans un univers qui colle avec, hein, il travaille vraiment, vraiment l'univers noir jusque dans son univers graphique. De ce point de vue-là, je trouve que c'est un jeu assez réussi. Et puis, je crois que c'est un jeu qu'on peut jouer là aussi dans des univers qui ne sont pas l'univers qui est proposé dans le jeu, mais en gardant le même état d'esprit. Et on jouera du noir, du polar, boiled, comme on peut l'entendre. Hop là, je continue à faire circuler. Voilà. Dans les jeux qui explorent encore des genres, alors un genre qui est beaucoup, beaucoup apprécié par les rôlistes, c'est le Sword and Sorcery. Donc c'est Conan, en gros, si vous voyez ce que c'est, des mecs avec des gros biscottos qui vont se battre dans la pampa face à des vilains sorciers qui se transforment en serpents. En gros, hein. On My Tissues, qui a été traduit à l'époque par la défunte boîte à eux, voilà, est un tout petit jeu. Comme vous pouvez le constater, la tranche est quand même pas très très épaisse. Et pareil, là, on travaille vraiment vraiment le genre avec des histoires courtes, des passages de scène assez abruptes. Il n'y a pas une continuité forcément très très claire d'une scène à l'autre. Et puis après, on apporte des mécaniques assez intéressantes sur le fait que les joueurs eux-mêmes apportent de l'univers. Un jeu en très peu de pages. Moi, ce n'est pas forcément ma came graphiquement, mais par contre, il y a des vraies idées aussi à plein de points de vue. C'est un jeu que je recommande hautement si vous arrivez à mettre la main dessus. Voilà. Et puis je vais terminer par un jeu alors qui émule du genre, mais là c'est encore plus tordu. Un jeu de Jason Morningstar qui est aussi très original parce que c'est un jeu sans meneur notamment. C'est un jeu sans mécanique d'émulation, sans mécanique d'univers, sans mécanique physique. Tu vois, l'idée c'est pas de reproduire le c'est pas de pouvoir tester avec le système si quand je saute un pont de 3 mètres je vais réussir à le sauter ou pas. On émule vraiment juste comment est-ce qu'on se passe la parole. Et là en l'occurrence, c'est pour jouer des histoires dans le genre des films des frères Coen. C'est pas que ça, mais c'est quand même la première base. Et en l'occurrence, dans Fiasco, on joue des personnages qui ont des très grosses ambitions et pas du tout les moyens de leurs ambitions. Et vraisemblablement, du coup, ça a mal se passé pour eux. Il a en plus le bon goût de jouer en à peu près 4 heures la partie. Il y a plein d'univers différents qu'on peut jouer. C'est toujours le même genre. On a des grosses ambitions et puis pas du tout les moyens. Et ça fonctionne étonnamment bien. Et pareil, là, on est vraiment dans l'exploration d'un genre. Je crois qu'il y a quelques exemples comme ça. Il y en a plein d'autres, hein, mais il y a des exemples de jeux de rôle là, je continue à faire circuler, qui propose d'émuler des genres. Mais effectivement, on est très très loin de jeux univers tels qu'on a pu les travailler. Alors, on continue à les travailler, hein, y en a encore qui sont sortis récemment, la grosse vague où ça a été dans les années 90, je crois que dans les années 80, on était encore dans l'exploration de plein de choses. Dans les années 90, on avait vraiment envie de faire des jeux à univers, et quelque part Vampirate ça aussi. Hein. Et du coup, là, on avait effectivement en gros une encyclopédie et puis un moteur physique. Mais maintenant que les ordinateurs font des moteurs physiques qui fonctionnent vraiment, vraiment bien, on essaye de faire des jeux où on propose des façons de raconter. Et quand on commence à travailler la question de proposer des façons de raconter, si on veut cadrer les choses, on ne va pas cadrer par un univers, ou peu. Par contre, on va essayer de cadrer sur un genre en disant, je vais vous proposer une typologie d'histoire. Quoi. Il y a toujours beaucoup de jeux qui fonctionnent avec des univers aujourd'hui. Il y en a toujours plein, je ne dis pas le contraire, mais il y a des choses qui bougent en tout cas. Il y a aussi un certain nombre de jeux qui cherchent à émuler à la fois un genre et à proposer un univers. Alors, ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire, j'imagine qu'on parlera de Summer Camp plus tard, mais pour le coup, je crois qu'il y a un vrai univers. Bien sûr, bien sûr. Alors, on voulait nous conseiller un bouquin. C'était juste pour faire le pendant à Fiasco. C'est exactement Donald Westlake, Comment voler une banque, une équipe de bras cassés avec le célèbre Dortmunder. Donc en général, quand Dortmunder se lance dans un coup, c'est avec le cousin machin, parce que lui, il a une camionnette, le beau-frère de truc, parce que en fait, il fallait... Donc avec une bande de bras cassés, et il se retrouve en général avec des gens beaucoup plus dangereux qu'eux, au cul, parce qu'ils ont volé le truc qu'il fallait pas. Voilà, donc je vous conseille, c'est excellent. Merci. Du coup, où en étions-nous ? Parce que nous avons des invités extrêmement loquaces. Oui. Mais pas du tout. Et intéressants. Ah oui, j'avais une question à poser à propos de la contrainte, en fait. Alors d'abord à Manuel et après peut-être voir les implications de David. Dans Sur les frontières et dans Summer Camp, on trouve deux types de contraintes. On trouve les contraintes mécaniques et on trouve des contraintes qui sont plus des contraintes thématiques, je dirais. C'est-à-dire qu'est-ce que le système va provoquer et va proposer. Dans Sur les frontières, on joue des héros qui sont en train de déterminer s'ils vont ou non avoir à subir leur destin. Et il y a toute une mécanique de dépense de points qui vont permettre de déterminer ça. Mais il y a aussi le quatrième chapitre du jeu est réservé aux conseils. Alors c'est un jeu avec meneur de jeu. Et le quatrième chapitre est réservé à des conseils pour expliquer comment émuler ce type d'histoire. Et là, on n'est pas du tout dans des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer sur la résolution ou sur des choses mécaniques, mais vraiment proposer des guides narratifs pour aider la personne à choisir comment rendre ça par rapport à ses joueurs. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, Manuel ? C'est pareil. C'est la même chose, en fait. Enfin, ça, on a créé une frontière artificielle entre les deux pendant très très longtemps. Mais Jérôme Larrey, qui est un monsieur qui théorise assez brillamment sur le jeu de rôle, prenez pour exemple un jeu qui s'appelle Bloodlust. Ça, c'est en soi le jeu a assez peu d'impact, hein, mais il disait dans Bloodlust, il y a un peuple, c'est des Amazones, il y a que des femmes. Et ben ça, c'est décrit dans l'univers, mais ça veut dire que si je joue ce peuple-là, je pourrais pas jouer un mec. Et c'est une règle, c'est une contrainte, et on l'accepte telle quelle. Et quand je propose de jouer sur les frontières, on joue des héritiers qui vont essayer de devenir des héros. Ils commencent, ils ont 12 ans, et on peut pas jouer un bonhomme qui commence qu'à 30 ans. Ça fait pas partie du jeu, mais c'est une règle. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'émulation technique en jeu, et puis il y a des choses qui sont de l'ordre des paramètres du récit, mais ça n'en est pas moins des règles ou des contraintes, et je fais assez peu de différence entre les deux. David, quand tu parlais de Draft Quest tout à l'heure, tu parlais de contraintes pour stimuler l'écriture. Quels sont les types de contraintes qui s'appliquent à l'utilisateur ? Alors, Draft Quest, on a parlé du MOOC tout à l'heure. Donc vous pouvez juste suivre le MOOC. D'ailleurs, la saison 4 du MOOC, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, commence le samedi 16 janvier à 8h du matin. Mais la vidéo sera disponible à 11h ou 14h si vous vous réveillez tard le samedi. Et il y a une web app. Donc une web app, c'est une application, sauf qu'elle est disponible uniquement sur votre navigateur. Et en fait, on l'a testée pendant 6 mois. Et au début, elle avait plein de fonctionnalités. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que deux fonctionnalités que les gens utilisaient. Donc, on a gardé que deux fonctionnalités qui sont les contraintes les plus importantes. C'est que sous DraftQuest, c'est un éditeur de texte en ligne. Donc, vous tapez votre texte, mais vous avez un temps limité pour le taper. Un temps que vous définissez à l'avance sous format d'épisode. C'est-à-dire, vous dites, j'ai envie d'écrire 10 minutes par jour pendant 90 jours. En fait, 10 minutes par jour pendant 90 jours, c'est assez pour écrire un petit roman, une novella en fait, c'est-à-dire un roman qui fait un peu moins de 100 pages. Et en fait, les gens peuvent choisir entre une heure et plusieurs, enfin entre une minute et plusieurs heures. Mais moi, je recommande souvent 15 minutes parce que en psychologie, on voit souvent que dès qu'un être humain a une tâche qui est supérieure à 15 minutes, il va se projeter trop dans le résultat. Et dès qu'on se projette dans le résultat, on se projette dans le jugement des autres. Qui peut être parfois le jugement qu'on a intériorisé, parfois qui est un jugement réel, mais ça a tendance à paralyser l'envie de faire, la créativité, ce type de choses. Donc en fait, je recommande souvent d'écrire 15 minutes par jour et d'augmenter la dose petit à petit. Et l'autre contrainte, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le genre, c'est que ce qui bloque dans l'écriture souvent, c'est l'angoisse de la page blanche. Donc on est face à une page blanche, et donc on s'est dit, bah, il suffit que les gens ne soient pas face à une page blanche, on va leur envoyer des images, et on va leur dire, écrivez à partir de ces images. Et ça, c'est ce qu'on appelle un test projectif. Alors, bien sûr, dans ce type d'environnement de Rowley, je pense que tout le monde voit ce qu'est le test de Rorschach. Voilà. Et donc, ça reprend les mécanismes du test de Rorschach. Le test de Rorschach, c'est ces grandes taches d'encre. Votre œil et mon œil vont voir la même chose, mais en fait, votre imaginaire et mon imaginaire vont voir des choses différentes. Et on a toute une base de petits pictogrammes comme ça, qui sont des tests projectifs. On dit, écrivez à partir de ça. Alors, souvent, les premiers jours... les premiers épisodes d'écriture, les gens ont besoin de ces visuels, mais au bout de quelques jours, en fait, leur histoire a trouvé sa propre logique et ce qui les intéresse, c'est juste le timer et de continuer à écrire. Et voilà. Donc on a ces deux contraintes. Mais ce qui était frappant sur les pictogrammes, c'est qu'au début, je faisais des pictogrammes qui étaient neutres, donc ils ressemblaient un peu à des pictogrammes qu'il y a juste avant de rentrer aux toilettes, quoi. Et c'était pas hyper sexy, mais au moins c'était neutre. Et petit à petit, on a commencé à faire des pictogrammes qui sont de plus en plus genrés. Pas au sens gender, mais au sens genre littéraire, esthétique, artistique. Et c'est vrai que ça influence un peu les histoires, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ressemblent plus à un univers visuellement policier, on a de la peinture classique, on a toutes sortes de choses, et c'est vrai que ça oriente un peu les histoires. Donc ça, c'est les deux contraintes, c'est-à-dire vraiment le temps et ça. Et après, il y a des mécanismes qui sont proches du jeu de rôle vidéo, c'est-à-dire on abat du texte, donc on a des points, donc on a une forme d'expérience qui se crée, et c'est un moyen de renforcer les gens, c'est-à-dire ça évite le décrochage, tout simplement. Si, par exemple, on ne peut pas corriger le texte qu'on a écrit la veille, donc on avance dans un roman qu'on écrit jour après jour, sans pouvoir corriger ce qu'on a écrit la veille, pour éviter un phénomène très connu, qui est... moi, par exemple, j'ai un ami, ça fait 7 ans qu'il écrit la première page de son roman, ce qu'il a réécrit en permanence. Et d'ailleurs, il faudrait que j'actualise cette anecdote, parce que maintenant que j'y pense, ça fait 9 ans qu'il écrit la première page de son roman. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on continue à avancer, et l'idée, c'est de faire un premier jet. Mais alors, le premier jet, ça m'amène... Est-ce que je peux partir sur une question? Est-ce que, puisque j'ai des vrais rôlistes là, j'ai une vraie question pour rôliste, qui a un vrai débat, et... je sais pas si... Alors, ça va faire peut-être le pétard mouillé ou peut-être qu'à la fin, il y aura du sang sur les murs. La caméra est bien là. Et bon, c'est que DraftQuest, c'est vraiment fait pour écrire des premiers jets de romans. Et après, il faut reprendre un premier jet et le réécrire. Parce que souvent, en fait, les gens ont du mal à faire des bons premiers jets. Mais la plupart des gens sont intelligents, donc ils savent quand ils ont un bon premier jet... actionner leur intelligence et leur réflexion pour arriver à un jet définitif qui est de qualité. Ce que je pense, c'est que dans les jeux de rôle, les parties de jeux de rôle, il y a des mécanismes collectifs qui sont des inhibiteurs, des angoissants, qui font que les gens arrivent à raconter des histoires intéressantes, feraient des très bons premiers jets. Alors, pas des bons romans directement, mais des très bons premiers jets. Et en fait, chaque fois que je propose à des rôlistes qu'ils transcrivent vraiment leur partie pour l'inscrire après dans un processus créatif qui va les ramener vers une œuvre littéraire, à chaque fois, j'ai soit le scepticisme, soit alors le scepticisme du « oh, bof », ou des trucs plus hostiles du genre « mais non, mais tu n'as rien compris, ça, ce n'est pas ça le jeu de rôle, ça ne sert pas à ça, c'est ce moment éphémère qu'on a partagé ensemble, et après, ça fait un peu « what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas », voilà. Il y a un peu cet aspect-là. Donc, voilà, la question, c'est est-ce que les mécanismes de jeu de rôle, c'est aussi des mécanismes qui permettent de faire des premiers jets qui, après, vont donner des fictions. Et je pose cette question parce qu'un truc que j'ai découvert, qui n'existait pas quand j'étais vraiment en rôliste assidu, il faut voir que je suis tombé dans un lac gelé, j'ai passé 20 ans loin des jeux de rôle. Donc voilà, donc je reviens, mais quand je suis parti, tout le monde parlait du jeu de rôle La Terre des Milieux, de Cassius Belli avec Fabrice Collin et de Vampire. Voilà, donc c'était il y a un peu longtemps. Voilà, c'est maintenant un truc que j'ai découvert récemment, donc, c'est les comptes rendus de partie. Et qui n'existaient presque pas à l'époque où je jouais il y a 20 ans. Et pour moi, il y a des comptes rendus de partie qui sont potentiellement des premiers jets de romans, des débuts de scénario, des choses comme ça. Sauf que je connais très peu de gens qui vont au-delà. Et je ne sais pas à ce moment-là à quoi sert un compte rendu de partie. Alors, ça appelle à de nombreuses réponses. Alors je vais en faire juste une avant que tu commences. Parce que... Autrefois, il y a fort fort longtemps, à l'époque où tu jouais, il y avait un jeu... Je m'y suis remis hier. Il y avait un jeu qui s'appelait Ambre. Dans Ambre, tu avais cette démarche créative qui était encouragée, puisque tu pouvais avoir un personnage qui était plus puissant au départ, qui gagnait des choses, en t'engageant à produire des œuvres tiré de la fiction ou en rapport avec la fiction, que ce soit des résumés de parties, le journal de ton personnage, pour les dessinateurs, des dessins illustrant des scènes, des lieux, des personnages présents, etc. Donc c'est une démarche qui a existé. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont tirées de parties de jeux de rôle. On pourrait en citer pas mal, que ce soit dans la BD, que ce soit dans la littérature, dans l'animation, enfin bon, il y en a des tas. Donc je ne pense pas que ce soit si rare. Ce qu'on entend souvent, c'est effectivement que, certes, on peut le faire, mais que le résultat est mauvais. Moi, c'est ce que j'ai entendu le plus souvent. Mais surtout que là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup d'adaptations sont... En fait, ils prennent la partie monde du jeu de rôle et partent à partir de là. Alors que moi, je suis persuadé qu'en fait, dans les mécanismes de jeu, il y a un truc qui se débloque. Déjà, il y a un mécanisme très simple, c'est que, et là, c'est mon côté éditeur qui va parler, et Julien pourra peut-être, lui aussi, qui a une longue expérience éditoriale, en parler. Beaucoup de manuscrits qu'on reçoit par la poste ont cette difficulté que, parfois, il y a des écrivains en herbe qui sont capables d'écrire 600 pages, et ce qu'ils écrivent est illisible. C'est pas mal, ce que je veux pas dire, c'est, ils sont intelligents, c'est pas mal écrit, tout ça. C'est juste pas lisible parce qu'ils ont une manière d'écrire où ils sont vraiment enfermés en eux-mêmes et ils ont complètement oublié l'horizon de la communication. C'est-à-dire, on écrit pour être lu. Et, moi, j'aime bien la définition de l'écriture par Ursula Le Guin. C'est écrire une phrase et le but d'une phrase, c'est d'amener à la phrase qui suit. Et il y a des romans, chaque phrase, c'est vraiment, on bute sur un truc et on va buter à chaque ligne, hein, voilà. Et je pense que dans les mécanismes de jeu de rôle, comme on est dans le collaboratif, on est d'emblée dans un horizon où on doit expliquer aux autres de manière à ce que les autres comprennent. Et c'est pas si évident que ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, d'un point de vue formation du geste créatif, le jeu de rôle, c'est une excellente école, pas sur les mondes qu'on pourrait réexploiter, mais vraiment sur les mécanismes qui sont des mécanismes de désinhibition, en fait. Manuel, je t'en prie. Du coup, mes multiples réponses. Alors, la première, c'est que ça existe. La production littéraire issue du jeu de rôle est en fait, j'irais pas dire pléthorique, mais en tout cas très significative. J'en prendrai pour témoin une série de bandes dessinées dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Les Chroniques de la Lune Noire, qui est pour le coup très largement inspirée d'une campagne de jeu de rôle pratiquée par François Mercier Lafroy-Deval. À l'époque, je ne parlerai même pas de tous les romans issus du, alors certes d'univers, mais il y a aussi d'une partie de la pratique du jeu qui en ressort. Et puis pas mal d'auteurs qui ont une pratique du jeu de rôle et qui ont aussi tiré de leur pratique du jeu de rôle et de la posture créative dans laquelle ils étaient en jeu de rôle une capacité à écrire. Après, c'est toujours un peu casse-gueule parce que c'est deux médias différents, en fait. Et c'est comme les novélisations de films, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas très très bien, quand même, souvent, les novélisations de films. Les adaptations de romans au cinéma, c'est pas toujours une grosse réussite non plus. J'irai pas m'étendre sur les bandes dessinées, mais ce que je veux dire, c'est que passer d'un média à un autre, si on accepte le jeu de rôle en tant que média, passer d'un média à un autre, c'est toujours un peu casse-gueule parce que en fait on n'est pas sur les mêmes ressorts, quoi. Le dernier point que j'aurais C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression, et ça n'est qu'une impression et que mon avis, grosse pincette, que l'univers des rôlistes, il est plus audiovisuel que littéraire. Très étrangement, j'ai l'impression que l'univers des rôlistes, il se base beaucoup plus sur les séries télé et sur les films, et éventuellement dans une certaine mesure sur la bande dessinée, que sur la littérature à proprement parler et la pratique d'écriture, je ne sais pas si elle est si répandue. Quant aux comptes rendus, à quoi ça sert les comptes rendus ? À quoi ça sert les comptes rendus ? Alors d'abord, ça sert à une chose très prosaïque qui est de garder le fil. Comme ça, à la partie suivante, on se rappelle ce qui s'est passé, et s'il y a un joueur qui n'a pas pu participer, eh ben, il peut rattraper les morceaux. Et c'est un vrai plus. Ça sert aussi de retour, presque comme un retour critique. C'est un peu comme Marcus quand il fait level 1 sur game 1. C'est-à-dire que là, on n'a pas quelqu'un qui a lu un jeu et qui dit « voilà ce que j'en ai pensé ». Il dit « j'ai joué à un jeu, voilà ce qui s'est passé pendant ma partie ». Ça change tout. En tout cas, moi, en tant qu'auteur, ça change tout dans la réception que j'en ai. C'est-à-dire que entre un compte-rendu d'une partie et un compte-rendu de lecture, même si j'apprécie énormément les comptes-rendus de lecture, surtout quand ils sont positifs, n'hésitez pas à en faire, j'accorde nécessairement plus de valeur à un compte-rendu de partie, parce que là, j'ai le témoignage de gens qui ont joué à mon jeu. Et le jeu a ce site spécifique, pas que le jeu de rôle, le jeu en règle générale, que bah, comme c'est interactif, les gens s'en emparent d'une façon très différente d'autres œuvres, si tant est qu'on parle d'œuvres, et ils les font vraiment leur à un niveau très personnel. Et du coup, de voir en tant que créateur des gens qui font leur ton œuvre quand t'es le créateur, c'est hyper touchant et ça t'apprend beaucoup plus de choses que juste un retour de lecture. Sur les deux premières questions, sur la troisième, ça répond tout à fait à toutes mes questions, parce qu'en fait, ça rejoint plein de réflexions qu'on peut avoir dans l'édition. Sur la première, sur la question du média, en fait, je pense que c'est vraiment lié au fait que quand j'en parle avec des rôlistes, ils ne voient pas exactement ce que je veux dire, parce qu'ils ne perçoivent pas ce qu'est exactement un premier jet. C'est-à-dire que l'idée, pour moi, c'est le bénéfice du jeu de rôle pour des écrivains en herbe, il serait double. D'une part, d'apprendre à être dans l'horizon de la communication avec autrui. C'est quand même la base, parce que généralement, on écrit pour être lu. Pas simplement être lu par beaucoup de gens, juste être lu par au moins une personne qui pourra rentrer dans votre imaginaire. Et la seconde chose aussi, c'est que l'idée de partir d'une retranscription de partie et après se dire on va la novéliser, il faut vraiment penser en termes d'adaptation. Alors, il y a parfois des très bonnes adaptations de romans, voilà, mais ça veut dire, faut se dire, on change de média. C'est-à-dire, il y a un moment, un pointé dans le temps, on dit les règles du jeu changent complètement. Donc, c'est vraiment avec cet esprit-là que je le ferai. Sur le second point, sur la question de l'imaginaire, en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal dans DraftQuest, c'est la question du lieu commun, au sens quasi positif ou quasi politique, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'écrivains en herbe qui veulent absolument éviter le cliché. C'est vrai que c'est pas bien le cliché, que ce soit cliché du style ou cliché de situation, c'est pas bien, mais le cliché, en fait, c'est juste un lieu commun qui a perdu un peu de sa vitalité. Alors DraftQuest, c'est un univers où j'essaye de faire quelque chose qui est esthétiquement neutre, mais c'est pas esthétiquement neutre DraftQuest, c'est-à-dire que j'encourage plutôt des écritures qui sont scénarisées et classiques au sens où, comme beaucoup de choses qui ont inspiré DraftQuest, c'est les grands scénaristes américains des années 70, c'est cette idée d'écrire des grandes odyssées personnelles hollywoodiennes, et voilà. Et donc c'est sûr que DraftQuest, ça oriente vers ça, mais toute l'idée de ces gars-là, de ces grands théoriciens du scénario, c'est de dire que faut pas fuir le cliché, faut en fait revitaliser le lieu commun. Et en fait, l'intérêt de l'imaginaire, pourquoi il y a une prédominance de l'imaginaire cinématographique et donc des lieux communs cinématographiques, tout simplement, chaque année, il sort environ 300-400 films et il sort 80 000 livres. Donc en fait, je pense que les imaginaires ont tendance à plus s'agréger au cinéma. C'est-à-dire que si vous vous mettez autour d'une table, même si, autour des gens qui sont ici, on aura plus de films en commun que de livres en commun. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 gros lecteurs dans une salle qui, en fait, s'ils comparent leur liste de lectures qui les ont passionnés, n'ont pas beaucoup de livres en commun. Voilà. Ah, et puis le volume de consultation de films et séries n'a rien à voir avec le volume de consultation de livres. À un moment, il ne faut pas se voiler la face non plus, quoi. Oui. Alors, après, il y a une question. Ce n'est pas ma spécialité, mais qui est vraiment sociologique, mais qui a un problème pour l'édition, c'est que, grosso modo, entre 25 et 45 ans, les gens arrêtent de lire. Voilà. Donc, alors, c'est sûr qu'ici, on est dans un temple de la lecture, voilà. Enfin, voilà. Mais la sociologie de la lecture, c'est ça. C'est-à-dire que les lecteurs de fiction sont, en fait, de manière écrasante, des femmes de 55 ans. Voilà. Ce qui est très bien, enfin, voilà. J'allais dire ma mère, mais non, ma mère est plus âgée que ça, mais voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que ça crée une difficulté dans ce qu'on produit, pourquoi on produit, et choses comme ça. À l'inverse, j'ai l'impression que même si actuellement la population de rôlistes s'est féminisée, son amplitude d'âge a augmenté, j'ai l'impression quand même que il doit y avoir une domination des 25-45 ans qui fait que bah, comme eux ils regardent plus de séries télé et de films, c'est sûr que leur imaginaire vient plus de là. À ce propos, on prépare une émission où on a fait un grand sondage, on a à peu près 400 réponses, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais 400 personnes rôlistes, et on a des infos comme ça qu'on pourra transmettre bientôt. Sur l'inspiration du cinéma et des séries télé pour les rôlistes, je pense que c'est un phénomène qui est relativement récent pour moi, la prédominance de cette inspiration-là. On en parle effectivement énormément dans les médias rôlistes en ce moment. Il y a beaucoup de conseils pour l'utilisation de ce genre de choses. Voilà. Bon. Sur un point de détail, il y a quelque chose que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui va vous fera peut-être hurler. C'est, faut que j'arrête de promettre qu'on va hurler, parce qu'à la fin on n'aura pas hurlé toute la soirée. Mais j'ai découvert un truc qui s'appelait les jeux de rôle textuels. Parce que on a un partenaire qui travaille sur ça. Voilà. Et je leur disais, mais c'est pas du jeu de rôle. Ah si, c'est du jeu de rôle. Et en fait, c'est très codifié. C'est un univers. Enfin, c'est pire qu'un continent, c'est une planète, c'est une constellation, et voilà. Et c'est vrai que, alors là, pour le coup, pour avoir un certain volume de joueurs, parce qu'ils ont besoin d'avoir du joueur, ils s'appuient sur des univers repérés. Il y a beaucoup de séries télé, beaucoup de films, et en fait, je pense que c'est pas très visible en France, pour des raisons assez pratiques, parce que c'est des univers qui sont souvent sous licence, où l'approche des porteurs de licence en France est assez conservatrice par rapport parfois des porteurs de licence aux États-Unis qui considèrent que en fait les gens apportent quelque chose, enrichissent la licence en faisant de la création partagée, voilà. Mais en même temps, ça existe, c'est très massif. Un autre de nos partenaires, par exemple, c'est tu parles de la fanfiction, on est bien d'accord. C'est de la fanfiction. Voilà, je vrai un moment, faut utiliser les termes aussi, parce que le jeu de rôle textuel, c'est bien beau, mais la fanfiction, quoi. Alors, les histoires de Harry et Drago qui se roulent des pelles. Oui. Pas seulement. Mais alors la fanfiction, souvent. Fanfiction, en fait, tu peux être solitaire. Jeu de rôle textuel, souvent, t'es dans un forum et c'est collaboratif. Je n'en fais pas, c'est un partenaire, voilà. Des gens très gentils. Chaque fois que je dis que les gens sont gentils, on se dit, putain, quelle vacherie il va envoyer derrière. Non, non, ils sont vraiment gentils, voilà. Mais c'est collaboratif. Mais par exemple, un autre de nos partenaires... ok, je vais arrêter de dire qu'ils sont gentils. Mais ils sont gentils quand même. C'est un forum qui s'appelle HPF. Et leur nom, c'est Héron à la plume flamboyante. Je me disais, c'est vraiment un nom à coucher dehors. Et ils m'ont dit, mais non, parce que HPF, c'était initialement Harry Potter Fiction. Et c'était une plateforme, il y a 12 ans, de fanfiction. Et puis, c'est des gens qui sont rentrés dans l'écriture par ça. Et puis, qui ont grandi et qui se sont dit... Ouais, au bout d'un moment, le mariage de Harry et Hermione, au bout de la 300e version, on va peut-être s'arrêter, 300e, 3000e ou des choses comme ça. Et ils ont basculé, simplement, ils voulaient garder le HPF comme signe de ralliement. Et ils ont basculé vers la littérature générale. L'an dernier, ils ont fait un très beau concours de nouvelles sur la guerre de 14. Et finalement, c'était des nouvelles de guerre, certaines fantastiques, d'autres pas du tout fantastiques. Écoute, juste pour une petite référence. Lors des journées d'études des 40 ans du jeu de rôle, on a eu, lors de la première journée, une conférence qui a été animée par une chercheuse américaine, Anne Kustritz, j'espère ne pas me tromper, qui c'est « Fanfiction as role-playing game, ludic narrative and transmedia play ». Donc c'est vraiment une étude de la fanfiction en tant que forme de jeu de rôle. Voilà, c'est voilà, juste pour la référence. J'allais dire que la fanfiction et le jeu de rôle ont quand même des tangences extrêmement marquées, quoi. Vraiment, c'est pas nouveau, et puis ça s'amplifie avec le temps, un certain nombre, disons, de rôlistes se posent la question de comment amener de nouveaux joueurs au jeu de rôle. Enfin, là, il y a un réservoir très significatif, et pour le coup, en plus du peu que j'en sais, et j'en sais très peu, c'est aussi l'opportunité de féminiser considérablement le public des rôlistes, quoi. Parce que pour le coup, si les rôlistes sont majoritairement des garçons barbus, les auteurs de fanfiction sont assez majoritairement des femmes. Et il y a probablement quelque chose à jouer. Alors après, dans la présence à l'autre, il y a peut-être aussi une explication de pourquoi certains ou certaines, en l'occurrence, font de la fanfiction et d'autres font du jeu de rôle. Je sais pas trop. J'imagine qu'il y aurait des études sociologiques à monter là-dessus. Et comme je ne suis pas sociologue, voilà. Be my guest. J'ai une petite remarque et une question ensuite. La remarque, c'est tu parlais des séries télé comme quelque chose de récent. Je me souviens d'un hors-série Casus Belli qui a au moins 20 ans et qui permettait d'émuler avec Simulacre la série Pacific Blues où tu joues des flics en VTT. Je parle de la prédominance. C'est l'anecdote creepy. C'est à l'époque où le VTT, c'était cool. Hein. Ouais. Non, mais déjà à l'époque, il y avait pas mal de choses sur l'organisation des scénarios en scène, etc. Et alors la deuxième question, on s'approche de la fin, il va falloir conclure, et on n'a pas encore beaucoup parlé de Summer Camp, et je voulais quand même revenir avec toi Manuel, on a vu que Sur les frontières émulait un certain genre d'histoire, qu'est-ce que ça émule Summer Camp ? Oh là là, Summer Camp, alors je vais vous parler de la genèse de Summer Camp. Alors là, ce que vous montre mon comparse, là, c'est Premier Bivouac, qui est un module de découverte pour Summer Camp. Summer Camp, le jeu est à peu près écrit, il reste un travail d'illustration à faire dessus. Il est significativement plus épais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils. Il y a plein de pistes de jeu dedans, donc il sera vraisemblablement 4 fois plus épais à peu près. Ce qui fait un joli bébé. Premier Bivouac permet vraiment de se faire une idée du jeu et comment ça fonctionne. En 3 mouvements. En tout cas, pour reprendre depuis le début, l'idée de Summer Camp, à la base, pour moi, c'était un truc que je voulais faire depuis un moment, qui était de faire des histoires fantastiques et d'épouvantes dans une forêt. Je crois que la forêt, moi je me suis intéressé au conte pendant longtemps, et la forêt c'est quand même un lieu de récits fantastiques et horrifiques qui a, à mon sens, beaucoup de potentiel. J'arrivais pas à trouver mon accroche. Pendant très longtemps, j'ai pas trouvé mon accroche. Et j'ai de la chance parce que, comme je suis un geek, vu que je fais des jeux de rôle, et je regarde des séries et je lis des bandes dessinées. Alors, je me suis nourri pendant longtemps sans trop savoir quoi faire de cette idée. Et puis, j'ai vu une magnifique mini-série animée qui s'appelle Over the Garden Wall, que je ne saurais trop vous recommander, qui fait une dizaine d'épisodes d'une dizaine de minutes chacun, donc c'est vu très très vite, et si vous voyez pas ça, c'est criminel, tellement c'est beau. Ça m'a débloqué des choses, et puis j'ai lu une super bande dessinée aussi qui s'appelle Lumberjanes, et dans Lumberjanes, il y avait des jeunes filles adolescentes qui étaient dans un camp de vacances, dans une forêt où il se passait des choses bizarres. Je dis ça y est, là j'ai mon accroche, on va jouer des jeunes dans une forêt où il va se passer des choses bizarres. Là il y a un truc à jouer sur la découverte, sur l'émerveillement, parce que les rôlistes c'est quand même une bande de gens qui se retrouvent pour se raconter des histoires, ils vont dans un lieu exotique et où il se passe des choses bizarres. Et puis très vite l'angle des scouts en fait est venu. Alors on joue pas des scouts, hein, tout à fait, on joue des explorateurs, mais c'est un peu pareil, mais c'est quand même différent. En tout cas, on joue des jeunes gens qui vont dans un endroit étrange pour vivre plein d'aventures, courir partout et découvrir des trucs bizarres. Pour moi, il y a s'en rappeler toute leur vie. Et les rôlistes, si vous en croisez, vous pourrez très facilement les consulter. Généralement, ils se rappellent à peu près toute leur vie des grandes campagnes, des grands moments qu'ils ont vécu en jeu de rôle, et ils vous bassinent avec. D'ailleurs, Et voilà, et ça m'a donné mon angle d'attaque. Après, j'ai trouvé aussi un angle d'attaque en termes de gameplay, puisque à nouveau, je crois que je suis d'abord game designer, et j'ai été chercher du côté... Alors j'ai voulu en fait émuler un truc qui se fait beaucoup dans les camps de jeunes, qui est le soir autour du feu on se raconte des histoires qui font peur. Et je me suis dit quand même ce serait cool si le soir autour du feu on se raconte des histoires qui font peur, et puis le lendemain quand on se promène dans la forêt on retrouve un peu ce qu'il y avait dans nos histoires, et on se pose la question de mais est-ce que c'était juste une histoire ou est-ce que c'est vrai. Et du coup voilà, j'ai développé toutes mes mécaniques autour de ça, j'ai été chercher un peu aussi sur ce qu'il y avait autour du scoutisme et des valeurs que ça trimballait au-delà des quelques clichés que j'avais en tête. Il y a quand même des valeurs assez chouettes, quoi. C'est du courage, de la tolérance, du respect, de l'écologie, de la curiosité. Et je me suis dit bon c'est quand même des trucs un peu positifs, j'ai envie d'aller travailler là-dessus et d'avoir avoir des personnages qui vont, ouais, à un moment, se raconter des histoires qui font peur, et puis après, avoir des outils de gameplay qui vont permettre à un meneur de faire des aventures surprenantes où, à un moment ou un autre, les personnages des joueurs, ils vont se retrouver face à quelque chose qui fait peur et qui ressemble à ce qu'il y avait dans leurs histoires. Et puis, comme il faut que ce soit des choses qui font vraiment peur, moi, je crois que en jeu de rôle, si on donne aux joueurs les moyens de riposter quand il y a quelque chose qui fait peur, ça ne fait plus vraiment peur, ça devient juste une adversité. Donc j'ai développé du coup un jeu où les personnages ont 8 à 12 ans et où du coup, bah, quand il y a un gros monstre en face, bah, ils ne peuvent pas lui castagner la tête. Ils peuvent fuir, ils peuvent éventuellement se cacher, ils peuvent essayer de faire preuve d'un peu d'intelligence pour aller lui mettre des bâtons dans les roues, mais en aucun cas, ils peuvent le rentrer dans l'art directement. Et là, je me suis donné l'opportunité de travailler un jeu d'épouvante, un jeu où les joueurs ils puissent faire ce que finalement ils font en jeu de rôle, retomber en enfance, se donner l'opportunité de dire à un moment, on ferait comme si on était, et là on ferait comme si on était des petits scouts, des petits explorateurs en l'occurrence, ça reste laïque, enfin, tous les scouts sont, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans un exposé sur les scouts, mais des scouts laïques qui sont dans la forêt, qui vont vivre des aventures incroyables, qui vont se raconter des trucs, où le meneur va pouvoir se servir des idées des joueurs pour faire des aventures encore plus incroyables que ce qu'il avait imaginé à la base, et où on va courir dans tous les sens, et vraiment s'amuser ensemble, et où on va donner l'opportunité aux joueurs de participer à la création de l'univers des histoires, mais sans que ce soit continuellement pendant le jeu, parce que souvent dans les jeux qui permettent ce genre de choses, ça a tendance à interrompre un peu la narration et c'est compliqué, et du coup je me suis dit on va donner un temps où le joueur raconte une histoire et un temps où le meneur se réapproprie cette histoire pour en faire une aventure pour tout le monde, et je crois que ça fonctionne pas trop mal. Et puis après, bah, moi j'aime beaucoup Wes Anderson, j'ai vu Moonrise Kingdom et je me suis dit c'est quand même une esthétique qui marche super bien, et voilà, on retrouve les petits costumes, on retrouve plein d'idées. En fait c'est une pelote, une fois qu'on a attrapé le début du fil, ça se déroule tout seul. Enfin, en tout cas pour moi ça a été comme ça la création, vraiment une fois que j'ai eu mes premières prémices d'idées, après le reste c'est rouler vraiment, vraiment tout seul. On va conclure. On va peut-être prendre une ou deux questions, oui. Puisqu'on a la chance d'avoir un public. Et des micros. Donc, on avait une remarque, je crois, sur la littérature tout à l'heure. Tu voulais nous citer quelque chose sur le jeu de rôle, littérature, etc. Oui, c'était sur le côté... Alors, faut te présenter d'abord, il paraît. Tu peux regarder la caméra, oui. Oh. Dis-nous ton nom, tout ça. Tu donc, n'es pas non plus. Salut, c'est Jérémy ou Gémeris pour les intimes. T'es pas dans le cadre là. Ouais. Voilà, nickel. Hello, voilà, je suis dans le cadre là, je crois. Ouais. Oui, c'était pour faire remarquer par rapport aux parties de jeux de rôle qui pouvaient donner justement de la littérature ou ce genre de choses là, que récemment on avait eu chez Nemos. Le bouquin Jadis, qui a été écrit en fin de compte, qui a été joué en fait, et écrit quasiment en même temps, où en fin de compte on a un illustrateur qui faisait office de meneur de jeu et qui présentait son univers au fur et à mesure à des écrivains. Et en fin de compte, ça a donné un livre qui est en même temps une histoire avec le point de vue des différents personnages, mais qui a été écrit dans ce but-là. Enfin, ça a été créé comme ça. Okay, d'ailleurs, alors, moi je ne connais pas personnellement les gens de Mnemos, mais ce qui est très intéressant chez Mnemos, c'est que si vous voyagez dans le temps et vous revenez au début de Mnemos, Mnemos en fait a publié beaucoup dans les années 90 des gens qui étaient issus du milieu du jeu de rôle, et ça a créé une sorte de vague de créativité en langue française. En même temps, c'est des rôlistes à la base, hein, oui, Mnemos. Oui, ils sont issus d'une maison de qui éditait du jeu de rôle, c'était Pissime. Oui. Ah oui, voilà. Et c'est, non, mais encore aujourd'hui, juste pour dire, moi, un des auteurs que je préfère, je fais que de la pub pour des auteurs que je ne publie pas, hein, donc c'est absolument sincère. C'est pour moi un... économiquement, ça tient pas debout. Non, ça c'est voilà. Si je crée la confiance sur le long terme, comme ça, le jour où je capitaliserai là-dessus, okay. Voilà, dans 50 ans, voilà. Non, mais on a un des auteurs que je préfère, c'est Jean-Philippe Jaworski, qui pour le coup, c'est. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est sur, enfin, Jaworski, et puis je suis aussi très fan de Fabrice Colin, et c'est des gens qui sont effectivement issus de cet univers. Et tu vas rire, mais Jaworski, pour le coup, je... Alors, Je pense que tu sauras me détromper si je dis des bêtises. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas longtemps, dans une souscription pour du jeu de rôle, il a proposé d'être dans ce qu'on appelle les stretch goals, les bonus supplémentaires de publier. Je crois que c'est un scénario ou quelque chose comme ça. Ça, je ne sais pas. De cet ordre-là, me semble-t-il. Alors, on a quelqu'un qui va nous préciser les choses. On a plusieurs experts. Allez-y. Voilà, il est auteur de jeu de rôle aussi, mais il me semble qu'il a publié. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui confonds ou si c'est une info que j'ai pas. T'as Maxime Chatham qui Je confonds avec Maxime Chatham, mais je sais que gagner la guerre, c'est un truc qui traîne beaucoup chez les rôlistes en ce moment. Et mais Jean-Philippe Jaworski, je crois qu'il avait conçu ce jeu auquel je n'ai jamais joué, mais la boîte a l'air super. C'est TDO pour un massacre. Mais Julien connaît, oui, c'est ça. Par contre, juste un tout petit truc, une remarque sur ce que tu disais tout à l'heure pour relier jeu de rôle et littérature, quand tu parlais se raconter une histoire qui fait peur au coin du feu. Pour moi, un des événements les plus importants de l'histoire de la littérature, c'est au début du 19e siècle, quand les époux Shelley, au bord du lac Léman, invitent des amis à passer une nuit avec eux. Dehors, c'est l'orage, et ils leur proposent de faire un concours d'histoire qui fait peur. Et au cours de cette soirée, Lord Byron, son médecin, John Polidori, et les époux Shelley vont écrire plusieurs histoires, et deux qui sont extrêmement structurants pour l'imaginaire occidental, c'est le Frankenstein de Mary Shelley, et Le Vampire de Polidori, qui est en fait pas un texte exceptionnel, pour le coup, publié aux éditions Forge de Vulcain, dans une nouvelle traduction. Parce que pour une fois que tu parles d'un texte que tu publies, tu dis qu'il n'est pas exceptionnel, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que je pense qu'il est très beau. Moi, c'est un texte que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un texte de 1820, mais qui est très marqué encore par la littérature du XVIIIe siècle. Donc, c'est un charme délicieusement désuet, mais c'est sûr que mis face au Frankenstein de Shelley, honnêtement, c'est pas le même gabarit. Par contre, ce qu'apportait Polidori, et c'est très ingénieux, c'est que c'est lui qui invente le personnage moderne du vampire. C'est-à-dire, il fait, pour la petite histoire, il fait une. Pour le coup, c'est une contrainte créative. Polidori, c'était le médecin particulier de Lord Byron. Et Lord Byron, qu'un élève devant moi a défini une fois comme un badass du début du 19e siècle, c'était quelqu'un apparemment d'assez désagréable. Et Polidori, son médecin, en avait un peu marre de Byron. Ils avaient voyagé en Europe de l'Est et du Sud. Ils avaient récupéré plein de légendes sur les vampires, mais qui étaient des monstres, en fait, vraiment horribles. Et en fait, pour se venger de Byron et se foutre de sa gueule, il a croisé ces monstres avec le personnage séducteur, limite vieux beau de Byron, et en a fait cette figure moderne du vampire qu'on retrouve après, 70 ans plus tard, chez Bram Stoker. Mais donc le coup de... On est autour d'une... on est le soir, on se raconte une histoire qui fait peur, c'est... Voilà, c'est important dans l'histoire. Moi, j'ai grandi avec Chair de Poule, hein, et Fais-moi peur, hein, c'est de là aussi que ça vient, hein, j'assume complètement mes références. On va pas relancer la discussion, merci messieurs. Ah bah nous, on avait décidé de pas vous laisser arrêter, hein. On va s'arrêter quand même. On va s'arrêter quand même. Et on va continuer autour d'un verre de vin. Exactement. Et merci à notre auditeur. 5. On est monté jusqu'à 5, hein, d'après les stats, alors bravo. Merci David, merci Manuel. Merci beaucoup à vous deux. Alors à titre informatif, je vais faire de la réclame parce que moi j'ai des jeux à vendre quand même et qu'à un moment faut vivre. Je coupe la diffusion. Donc les jeux sont à vendre et surtout, vous avez l'ineffable chance que l'illustratrice de Summer Camp soit présente et du coup vous pouvez avoir droit à des dédicaces si vous prenez des Summer Camp. Voilà, faites des jolies dédicaces, ce serait dommage de s'en priver. David, quelque chose à vendre tant qu'à Oui, alors. Acheter de livres. Non, plus sérieusement, puisqu'on était plus là pour parler de DraftQuest, la saison 4 du MOOC DraftQuest reprend le samedi 16. C'est gratuit, c'est collectif. Vous avez 16 semaines devant vous pour écrire votre premier roman et gagner des publications, tout simplement. Ah. Bravo. Merci beaucoup. Et bonsoir à nos auditeurs.